Audiomatique. Transmission 575 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique d'Amorphous Androgynous, qui est un projet parallèle du duo The Future Sound of London. La pièce que nous avons écoutée, intitulée Hombre Malo, apparaît sur l'album The Cartel Volume 2. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain Dear Oof d'assurer la continuité à Audiomatique. Electric. The forest of fire. The forest of fire. fish to vegetable. Human being, animal, murder is compatible. Tell me what you see and tell me every little thing you know. Tell me how the trees don't have beliefs and all our detail. Being and becoming with no ending is sustainable. Blood and oil drainable. Name of the unnameable. Fire. Fire. Fire. Fire. Rise. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation écossaise Low Life, qui a existé de 1985 à 1997. De son premier album studio Permanent Sleep, paru en 1986, nous entendions la chanson As It Happens. Précédemment à Low Life, il s'agissait du groupe français Marquis de Sade, qui a été actif de 1977 à 1981, puis de 2017 à 2019 sous le nom de Marquis. Du deuxième album de Marquis de Sade, intitulé Rue de Siam, et sorti en 1981, nous vous avons offert la pièce-titre. Et pour débuter la séquence, nous avons joué la formation américaine Dear Oof, de son 20e album Noble and Godlike in Ruin, lancé le 25 avril 2025, nous écoutions la chanson Under Rats, à laquelle a participé le chanteur Saul Williams. Et allons-y maintenant avec une composition tirée du récent album de Tom Skinner. Thank you. child of days in a shimmering haze. Give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, and in the field underneath the thorn bush. Give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town. Give us a kiss. One little sip, sip, sip, before you slip, slip, slip away. You're still hanging out in my dreams, in your sister's shoes and your blue jeans. Give us a kiss. One little sip, sip, sip, for a catch, catch, catch on the fire. Be a good girl and give us a kiss. Audiomatic, le trompettiste Ambrose Akinmusire nous offrait les deux compositions Holocégie SR et Off the Ledge, tirées de son album Beauty is Enough, sur lequel lui seul et sa trompette sont à l'honneur. Avant Ambrose Akinmusire, on entendait une pièce du groupe de Nick Cave and the Bad Seed, soit Give Us a Kiss, composé pour le film 20,000 Days on Earth et qu'on peut retrouver sur l'anthologie B-Sides and Rarities Part 2. Et pour amorcer la séquence, on écoutait une pièce composée par le percussionniste Tom Skinner, connu notamment pour sa participation au groupe The Smile et aussi Sons of Kemet. Donc, du plus récent album de Tom Skinner intitulé Kaleidoscopic Visions, paru le 26 septembre dernier, nous écoutions la pièce de Maxime qui met à contribution la chanteuse Michelle Negue-Ocello, pseudonyme pour Michelle Lynn Johnson. Audiomatique se poursuit maintenant avec le duo français Mansfield Tia. Chez les gens qui ont le cœur pur, ou bien l'œil noir et vicieux qui rend l'âme obscure. Que serais-tu devenu? Aurais-tu brillé dans la vie? Aurais-tu fait briller ma vie? Serais-tu devenu mon refuge, mon horizon? Pour toujours le visage de l'amour, emporté par la nuit. Que serais-tu devenu? Un arbre. Un tigre. Que tu me dévores. Serais-tu devenu un pays? L'air d'un pays montagneux. Laisse-la cette histoire, ne m'interroge pas, car notre récit est interrompu. Laisse-la. Notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada. Thank you. Il s'agissait à Audiomatic du trompettiste et compositeur norvégien Nils Petter Molvær et la pièce titre de son album Baboon Moon, paru en 2011. Tout juste avant, et ce qui amorçait par le fait même ce bloc musical, c'était le duo français Mansfield Tia, qui a existé de 2002 à 2022. De son dernier album studio, Monument Ordinaire, sorti en 2021, nous vous avons présenté la chanson « Le sang dans mes veines ». On terminera la transmission d'Audiomatique sur la pièce « Black Maria's Blues » interprétée par le saxophoniste Coleman Hawkins, pièce qu'on peut retrouver publiée sur son album « In the Hush of the Night » paru en 1977. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Coleman Hawkins et sa pièce Black Maria's Blues. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.